Chapitre 28e. Rockport est un de ces endroits qui pourraient n'avoir pas existé sans que le monde en souffrît. Il est cependant peu de paysages qui puissent lui être comparés dans l'ouest de l'Angleterre. D'un côté la montagne, de l'autre la mer. Sur les derniers plans, la lande déserte qui s'étend à perte de vue. Des cottages et des villas épars depuis le versant de la falaise jusqu'à la plage. Un chemin tortueux qui serpente de la montagne à la grève dans une profondeur de fougère. N'oublions pas pourtant le côté prosaïque, et mentionnons une auberge tenue par de braves gens qui se feraient scrupule de plumer leurs hôtes. C'est dans cet aimable asile que le major Leland vient chercher, sinon la santé, du moins le repos. Il sait que la vie n'est plus pour lui qu'une question de temps. Qu'importe même à Vivien Penroth où cette malheureuse épave viendra s'échouer. Il n'y a là pour lui aucun sujet d'inquiétude, se dit le major Leland, tandis que je me trouve heureux de vivre dans le voisinage de la femme que j'aime et que j'aimerai jusqu'à mon dernier soupir. George a donc élu domicile à Rockport. L'auberge rustique lui plaît, mais il n'y reste que pour manger et pour dormir. Dès le matin, il gravit la falaise par une pente douce et s'étend sur l'herbe, non pour faire la sieste, mais pour contempler l'océan dont la majestueuse beauté le captive. Jamais George Leland ne passe une journée sans aller respirer l'air frais et salin, sans regarder les vagues qui déferlent comme un ruban moiré qu'on roule et qu'on déroule, sans écouter le bourdonnement d'une abeille égarée qui cherche en vain sa subsistance, trompée par le mirage éblouissant du sable, sans suivre les voiles des barques qui paraissent et disparaissent à l'horizon comme des mouettes rasant les flots. Parfois, la réverbération du soleil qui darde ses rayons sur le feutre de George Leland lui rappelle les bouffées d'air brûlant des Indes, leur ciel embrasé, la lumière aveuglante de leur soleil torride, l'existence dramatique des camps, le bruit des éperons dorés et jusqu'au grand Mogol, aujourd'hui prisonnier des Anglais. Le cimetière de Rockport exerce aussi une étrange fascination sur George Leland. Son âme souffrante y vient chercher souvent un remède qui, hélas, est un mal encore. Il s'obstine toujours à espérer que Barbara ne refusera pas à la tombe de celui qui l'a tant aimé la douloureuse obole de sa compassion. Ce déchirant espoir nourrit encore sa mélancolie. Quelques années se sont écoulées depuis le jour où le Hesper est parti pour l'Inde, mais loin de calmer l'amour de George Leland, l'absence n'a fait que l'aviver, et après avoir revu une fois Barbara, le major ne songe pas à obtenir d'elle une seconde entrevue. « Elle ne peut être pour moi que tout ou rien », dit-il, repris par toutes les chaînes de la passion. Personne ne se doute à Rockport que le nouvel arrivant connaisse les propriétaires du château de Penrith Place. Malgré cela, l'aubergiste et sa femme lui racontent ingénument pour le désennuyer tout ce qu'ils savent du passé, du présent et du futur des Penrith. Ils vantent à qui mieux la bonté de la jeune châtelaine, toujours prête à secourir le malheur. Ils détaillent par le menu toutes les pieuses habitudes de la dévote Prissy. Ils font aussi leur petit cancan sur Marc et ajoutent que le plus jeune frère a été ramené dans la bonne voie depuis peu. Ils parlent de la dernière maladie du Squire et de la tristesse impénétrable à laquelle ils semblent en proie. Ils s'embrouillent un peu dans leurs commentaires, mais ils finissent par déclarer que ces dispositions sont d'autant plus inexplicables que sa jeune femme a l'air d'être heureuse de son sort. Est-elle heureuse? Peut-elle l'être réellement? Se demande souvent George Leland. Il ne peut se résigner ni à le croire, ni à en douter, car l'idée même du bonheur de Barbara, en éveillant sa jalousie, le rend malheureux. Un jour, il est couché sur le gazon, plus passionné, plus souffrant encore que d'habitude. Il tient le Times dans ses doigts amaigris. La matinée est douce et ensoleillée. On est au commencement de novembre, durant le court Indian Summer, où était de la Saint-Martin si imprégnée de mélancolie et de charme. Les nuances rosées et azurées du ciel reflètent sur la mer leurs teintes chatoyantes et diaprées. L'air est embaumé de tous les parfums de l'aube. Au bruit d'un cheval dont les sabots résonnent sur l'herbe fine et rase, George Leland se retourne. Il aperçoit alors une brillante amazone à la taille élégante, mince comme un jonc, aux cheveux blonds ébouriffés, aux joues vermeilles. Il a comme un éblouissement de surprise. « Florence ?» s'écrie-t-il en se levant soudain. « Comment allez-vous, capitaine ?»« Non, pardon, je me trompe, Major Leland, » reprend Florence, avec autant de calme et de sang-froid que s'il s'était séparé d'hier. Elle tient d'une main légère les rênes et semble aussi solidement établie sur sa selle qu'une statue sur un piédestal. Elle n'est ni moins jolie ni moins vive qu'elle était il y a 5 ans, lorsqu'elle valsait avec le capitaine Leland sur la pelouse pendant que Barbara se reposait un moment. Toutefois, l'entrain même de Florence cède devant l'aspect de cet être souffreteux, émacié par la fièvre, et elle lui dit d'une voix attristée « Comme vous êtes changé depuis. » « Depuis le temps où nous étions jeunes. » « Depuis l'heureux jour où nous étions à Greenwich. » « Croyez-moi, une campagne comme celle que j'ai faite ne contribue pas à rajeunir un homme. » Il parle avec insouciance, mais sa main tremble un peu en tenant la bride de Pepper and Salt, qui frappe le sol de son pied impatient. « Je veux causer avec vous, » dit Florence. « J'ai tant de choses à vous dire. » D'un bond, elle se lance lestement à terre. Le major attache le cheval à un anneau de fer scellé au mur d'une petite cahute qui sert d'abri aux promeneurs en cas de pluie, et il tend affectueusement ses deux mains à Florence. « Il n'y a qu'une seule personne au monde, » lui dit-il, « que je serais plus heureux de revoir que vous. »« Pauvre major Leland, » s'écrie-t-elle, « vous détesteriez au contraire de me revoir si vous vous doutiez. »« Si je me doutais de quoi, Florence ?»« Ah !» dit-elle d'une voix troublée, et en serrant d'une manière nerveuse la main du major Leland. « Vous portez donc toujours dans le cœur le regret d'avoir perdu Barbara. Ce regret ne finira qu'avec ma vie. C'est le chagrin qui vous mine. L'homme est fait pour résister à la douleur, ma pauvre enfant. Ce qu'il ne peut supporter, c'est le vent, la neige, les frimas, les pluies, les marches pénibles, le manque de sommeil, le repos, les ardeurs du soleil, les changements subis de température. J'ai honte de l'avouer, c'est là ce qui m'a vaincu. Mais de grâce, dites-moi ce que signifie cette phrase. Vous détesteriez de me voir, si vous vous doutiez. Barbara, vous avez écrit une lettre, je le sais. Une lettre de la plus haute importance. Barbara me l'a dit. Cette lettre ne m'est jamais parvenue. Il y a un moment d'hésitation de la part de Florence, puis elle continue. C'est moi qui l'ai perdue. Imaginez-vous que maman m'avait chargé ce jour-là d'une foule de commissions. Les boutiques, les étalages ne m'avaient jamais autant attirée, autant séduite. Je courais des chapeaux aux bottines, des bottines aux gants, des gants au papier à lettres, entrant là pour avoir du thé, ici pour acheter du ruban, oubliant les épingles, la cassonade, traversant d'un trottoir à l'autre, les yeux tournés avec regret vers les boutiques que je n'avais pas le temps d'examiner. Enfin, j'arrive à la boîte aux lettres qui est placée à côté de l'horloger. Vous la rappelez-vous, Major Leland ? Je cherche dans ma poche, dans mon sac, l'effroi me saisit, pas de lettres. Je ne puis croire qu'on me l'ait volée. Elle n'avait pas encore de timbre. Cela me fait penser que je n'ai jamais rendu à Barbara le shilling qu'elle m'avait donné pour affranchir sa lettre. Je retourne dans tous les magasins où je suis allé précédemment, mais personne ne sait ce que je veux dire. Ma confusion est complète. Ce n'est pas un crime de perdre une lettre. Pourquoi ne pas l'avouer, moi qui vous croyais la franchise même? Nous avons tous des moments d'aberration, de folie. Je reviens à la maison. Je raconte à ma mère ce qui m'était arrivé et, loin de partager mes regrets, elle prétend que c'est la Providence qui a voulu qu'il en fût ainsi. Elle ne me dissimule pas qu'elle ne cesse de déplorer, avec toutes les nouvelles alarmantes qui arrivent d'Asie, que Barbara soit fiancée à un officier de l'armée des Indes, quand un homme comme M. Penrith se met sur les rangs. L'amour d'un millionnaire en vaut bien un autre. Celui de M. Penrith pour Barbara est immense. Comment laisser perdre cette occasion favorable d'assurer à la fois le bonheur et la fortune de Barbara ? « Florence, me dit-elle, un peu de courage, et l'avenir nous donnera raison. Bref, vous comprenez que maman ne voulait pas que Barbara vous écrivît une seconde lettre, et nous lui avons laissé croire que la première était partie. C'est tout. »« C'est tout, » répète le major Leland, dont la pâleur et la faiblesse semblent avoir augmenté pendant le récit de Florence. « Et c'est ainsi que vous avez brisé deux cœurs ? Un, du moins, je ne puis répondre de l'autre. » Vous m'avez dit tout à l'heure que les privations, les marches forcées, les fatigues, les périls seuls avaient ruiné votre santé. Oui, mais en même temps la blessure faite au moral est encore plus profonde. Cependant, je n'ai pas le droit de me plaindre de rien, si Barbara est heureuse, dit-il avec un sourire plus triste encore que les larmes. Nous étions si gênés quand Barbara consentit à épouser M. Penrith, repart Florence en manière d'excuse. Notre pauvre mère était si malade. Personne ne pouvait nous venir en aide, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Maintenant, c'est bien différent, tout est changé. La Villa des Roses est métamorphosée, le salon a un tapis neuf, des rideaux d'hiver et d'été, de jolis bibelots. Maman a la main si heureuse pour le bric-à-brac. Nous songeons même à acheter un piano. Pour assurer votre bonheur, vous avez détruit le mien. Mais je me résigne si Barbara est heureuse. Si elle ne l'est pas, elle devrait l'être, repart Florence. Elle a un mari parfait pour elle. Elle a ma mère, elle a moi. La majorité ne peut être sacrifiée à la minorité, dit le major avec amertume. Je paye pour le bonheur de tous. L'amour désintéressé est seul le véritable amour, ajoute Florence. N'auriez-vous pas maudit votre égoïsme en voyant Barbara témoin de toutes les horreurs de la guerre des Indes, exposée à toutes les scènes de meurtre de cette lutte longue et cruelle? La Providence est intervenue pour nous épargner ces chances cruelles. Avons-nous le droit de nous plaindre? Et c'est sans doute aussi la Providence qui vous a envoyé sur cette route pour me donner cette longue explication. J'avais le pressentiment que je vous rencontrerais si je montais cette rampe. Et comme je fais ce que je veux avec le beau stepper de Mark Penruff, je suis venu et me voilà. Barbara, c'est elle que je suis ici. Ce qu'elle a de mieux à faire, c'est de l'ignorer. Mais parlons comme deux amis, Major Leland, et dites-moi si vous ne feriez pas bien de vous fixer autre part. Jusqu'à présent, j'étais trop faible pour m'éloigner. Mais vous avez raison, Florence. À quoi bon rester ici, pris, englué? Qu'importe où je passerai le reste. De votre congé, dit Florence en l'interrompant. Pourquoi ne viendriez-vous pas à la Villa des Roses? Maman serait enchantée, certainement, de vous avoir pour hôte. Nos bons soins vous rendraient la santé. Amélie vous ferait de la gelée de viande, du thé, du bœuf, qui est si nutritif. Vous êtes bonne, Florence, et je vous remercie. Le remède aurait son amertume, mais aussi sa douceur. En me promenant dans ces allées que j'ai parcourues avec Barbara, je trouverai peut-être en foulant le sable la trace de son pied charmant. Je chercherai du moins son ombre, haute, silencieux et fidèle comme le souvenir. Merci, Florence. Je serais heureux de me retrouver sous votre toit. Rien ne saurait m'être si salutaire que ce lieu charmant, témoin de mes premières et dernières amours. C'est une promesse? Oui, vous pouvez compter sur moi. Je vous écrirai dès que notre retour à Camberwell sera fixé. Ne viendrez-vous pas d'ici là me faire l'aumône d'une petite causerie? Si ma causerie peut vous être le moins du monde agréable, je viendrai bien volontiers. Vous me ferez le plus grand plaisir et le plus grand bien. Vous pouvez compter sur moi. À bientôt. Florence s'élance sur Pepper and Salt et serre affectueusement la main du pauvre solitaire. Elle disparaît en moins de temps qu'il n'en faut pour écrire ces lignes.